Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Installez-vous confortablement, on vous a préparé un bon 2 heures de rock progressif. Ce soir, on donne le coup d'envoi avec une nouveauté italienne. Il s'agit du groupe Limite Acque Sicure, qui a tout récemment lancé son second essai, Un Altra Mano di Carte. Et ce soir, c'est un second extrait qu'on vous présente. Et la pièce a pour titre Story Perdute. Dans une autre vie, le groupe était un groupe hommage à Banco del Mutuo Soccorso. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la présence d'une interprétation de Banco sur le premier essai de Limite Acque Sicure. Et puis, on demeure en Italie par la suite avec Alex Carpani et un extrait de son tout nouvel album The Good Man. En fait, ce sera deux parties de la longue pièce Amnésiaque, c'est-à-dire Amnésiaque Part 7 et Part 8. Et puis Marc, par la suite, on se transporte aux Pays-Bas. Oui, en effet, avec la formation The Aurora Project, qui feront paraître le 21 février prochain leur nouvel album qui a pour titre Evos 12, qui sera le premier de 2 albums concept. Alors, ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce de Traveler, et ce sera suivi de la formation de heavy prog italienne Sailor Free. Le groupe a débuté dans les années 90, leur premier album éponyme était paru en 92, ils en ont fait paraître un second en 94, il y a eu un long moment de pause, puis en 2012, ils ont fait paraître Spiritual Revolution, suivi de Spiritual Revolution Part 2 en 2016. Et donc, l'album qu'on aura pour vous ce soir, c'est Spiritual Revolution Part 3. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec la formation italienne Limite Acque Sicure. Yeah. in fine in fondo, ma quale fantasia, basta ascoltare chiunque esso sia. Se nel tempo le porterà, ognuno porta una storia in sé, un po' di sogni, bugie, realtà. Io le raccolgo e porto con me. Sono memoria. Per chi vorrà, ascolterà in pace. listen. There will be tidal waves Understand we all end up as slaves It's my own manifesto Please hear me From my dark hiding place Now I don't believe in saviors I don't believe in saints I do believe in power of the mind I don't believe in martyrs Don't believe in lies And once we find the truth We'll free our mind Thank you. take another call and make him hold the line. We can share the fighting now for what it lasts. I can stop the fall, quietly hypnotized, steady like a seahorse dried out of the sea. De retour à Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. Pour entreprendre cette nouvelle demi-heure, on va avoir Solaris, un groupe hongrois qui, l'année dernière, à la fin de l'année, nous a présenté un sixième album studio, un album double qui a pour titre Martian Chronicles 3, ou troisième partie si vous préférez en français. Ce soir, on vous propose une pièce du premier album, et la pièce a pour titre Shadows of the Creators, et puis de Suède, de Stockholm pour être plus précis, Arcadian, avec un extrait du EP paru en 2024, Stories of Arcadia, et ce sera la pièce Stormy Waters. Et puis de la Suède, ben Marc, on passe à la Suisse. Oui, et on parle ici de la formation Monkey 3, un quatuor qui présente un rock progressif psychédélique instrumental très inspiré de ce que faisait Pink Floyd à une certaine époque. Et ce sera un extrait de leur plus récent album Welcome to the Machine qui est paru en 2024. Et ce qu'on aura pour vous, c'est un extrait de la pièce Collapse. Et ce sera suivi de la formation belge Reptile King, tiré de l'album Goddess Over Darkness and Light qui est paru le 2 janvier 2025. Et c'est le projet du multi-instrumentiste Pascal Sporken au clavier, voix et programmation de synthétiseur. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce Onslaught. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce second bloc de l'émission avec l'excellente formation hongroise Solaris. Bye. be all the same, it could be all the same. Never thought the look could feel like this for a nice time. All the crash for the shoes and the good, well it's just a mind. Gotta fly towards the sun before you can fall into the ocean. Thank you. De retour à l'émission Terra Incognita, dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation suisse Flame Dream, qui ont fait un grand retour en 2024 avec l'album Silent Transition, une formation qui avait débuté dans les années 70, ils se sont séparés dans les années 80, et de retour après près de 40 ans, ils nous présentent cet excellent album qui est probablement un de leurs meilleurs en carrière. Et ce soir, on aura pour vous la pièce Winding Path. On aura également un autre extrait du nouvel album de Périlymphe. C'est une formation qui comporte dans ses rangs Fabien de Menou, qui est d'origine française. Le groupe est maintenant basé à Berlin, en Allemagne, et ils ont fait paraître en 2024 l'album Progression Imaginaire. C'est un quatrième album pour ce groupe et certainement leur meilleur jusqu'à maintenant. On aura pour vous la pièce Un instant ou deux. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation du Royaume-Uni qui seront en spectacle à Québec pour la toute première fois le 16 avril prochain à la salle Dina Bélanger. Oui, c'est une salle qui se trouve dans le collège Jésus-Marie à Sillery, c'est sur le chemin Saint-Louis, et on parle de Big Big Train. Ce soir, on vous présente un extrait de leur plus récent album qui a pour titre The Like of Us, et c'est la pièce Light Left in the Day. If we stand together, we may hold the line. Face the danger, take the strike. Who knows what may happen under darkening skies? Step up to the mark, make the most of the light left in the day. Thank you.

De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation de néo-progressif IQ, qui a débuté au début des années 80, qui sont toujours actifs aujourd'hui et qui présenteront un spectacle à Québec le 11 avril prochain au Théâtre de la Cité universitaire. On aura pour vous ici un extrait de leur 10e album paru en 2009 qui a pour titre Frequency avec la pièce Life Support. On aura également l'artiste pianiste Mélissa Fortin. Elle est originaire de Alma au Lac-Saint-Jean et également claviériste pour la formation Bon Enfant. Elle a fait paraître son premier album Prisma Color en 2024 et on aura pour vous la pièce FOMO. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté des Pays-Bas. Oui, et c'est la formation Mangrove qui a été mise sur pied au début des années 2000. Un premier album est paru en 2004 sous le titre de Touch Wood. En 2005, le groupe a présenté Facing the Sunset. En 2009, Beyond Reality. Et puis, 15 ans plus tard, le groupe effectue un retour sur disque avec Bridge to Fiction. C'est paru en 2024. Et ce soir, on vous propose la pièce A Touch of Light. Thank you. done, how it might have gone without a place to belong. I could see we played into their hands, and they picked our bones until we proved them wrong. It's only a moment, the minutes and hours, they fly from me now as then. It's all in the detail. I've been here before, but still don't remember when. As we stared in the face of the storm, and the change began to gather over the band, there was always a chance it would come, but if you can't make it happen, nobody can. It's all but forgotten, the minutes and hours, they're nothing that can't be bought. It's all in the detail. Hold on to your head, you're living without your thoughts. Thank you. Eh bien oui, c'est déjà presque le temps de se quitter. Et ce soir, en guise de pièce de fermeture, on a choisi une pièce de la formation italienne Il Tempio delle Clessidre. Ce sera un extrait du premier album du groupe, un album éponyme qui est paru en 2010. Le groupe avait fait une entrée remarquée à l'époque parce qu'il avait réussi à recruter le chanteur Stefano Lupo Califi, chanteur de la légendaire formation italienne des années 70, Museo Rosenbach. Et de cet album, on vous présente la pièce Faldistorum. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous. On vous invite évidemment à nous revenir la semaine prochaine pour encore un bon 2 heures de rock progressif. D'ici là, portez-vous bien, restez à l'écoute de CKRL, l'autoroute suit dans quelques instants. Trasforma le anime in luce, sopra grigie rocce umide, petali di fiori marciti e ceneri bruciate. Colpisci 3 volte la testa sul calice, ungi le tue tempie con l'olio sacro e la visione dell'oscuro rimarrà nei tuoi occhi. Questa è la notte, questo è Samhain!